prononcer mentalement la phrase « Mon corps est lourd ». Créez l'image mentale correspondante. Contemplez-la. Créez intérieurement la sensation de pesanteur. Cherchez cette sensation dans votre pied droit. Sentez son poids. Puis, le pied gauche. La sensation de pesanteur gagne toute la jambe gauche, que vous sentez devenir lourde. Puis, la jambe droite. Les fesses, à leur tour, sont gagnées par la même sensation, tout en maintenant le restant du corps dans cet état de pesanteur ressenti. Les flancs deviennent pesants. Le dos. Les épaules et la nuque. La tête est gagnée à son tour par la sensation de pesanteur. Maintenant, pensez « Mon corps est chaud ». Créez l'image mentale et la sensation de chaleur. Prenez conscience de différentes zones du corps qui de toute façon sont naturellement chaudes. Transférez cette douce chaleur à tout votre corps. Tout votre corps est maintenant chaud. Maintenant, ressentez votre cœur. Sentez-le battre fort. Et pensez, mon cœur bat fort. Ressentez en vous sa pulsation, en continuant à vous le répéter intérieurement. Maintenant, pensez, ma respiration est calme et spontanée. Après une simple expiration, oubliez d'inspirer. Autrement dit, sans aucun effort, sans aucune intention spéciale, faites une rétention de souffle, prête à céder à la première sollicitation. Et attendez. Le temps peut vous sembler étrangement long, car vous n'éprouverez aucun besoin d'inspirer. Puis, soudain, le réflexe va jouer. Spontanément, votre ventre va gonfler sous la poussée de l'inspiration et vous continuerez à respirer spontanément, en gonflant et en dégonflant le ventre. Observez cette respiration sans intervenir. Elle est calme et régulière, apaisante et bienfaisante. Maintenant, pensez Tan Tian. C'est un endroit situé à quelques centimètres sous le nombril, à l'intérieur, dedans. Ressentez ce point, cette sphère d'énergie. Maintenez votre attention sur cette zone et sentez-la monter et descendre au rythme de votre respiration. Maintenant, pensez « Mon visage est détendu » et relâchez successivement les nombreux muscles du visage, la zone du front, celle des yeux avec les sourcils, les paupières et surtout le coin des yeux où se forment les pattes d'oie. Ensuite, la zone des pommettes avec le nez, puis celle des joues avec le menton. Les joues tombent dans le vide et étirent légèrement les lèvres vers l'extérieur. Ensuite, relâchez les lèvres. Elles se touchent seulement et ferment la bouche sans le moindre effort. Les mâchoires sont séparées et les dents ne se touchent pas. Les muscles des mâchoires sont détendus, mais celles-ci ne tombent pas grâce à la position de la langue. La langue se place de façon à toucher le jaune du palais juste avant la grande concavité. Les muscles de la langue sont détendus et, en fait, elles tombent. Détendez enfin le fond de la gorge, la zone profonde où se forme le son. Maintenant, portez votre attention à vos pensées. Observez-les simplement aller et venir sans vous accrocher ou être accaparé par elles. Soyez comme un simple observateur, indifférent. Maintenant, vous allez porter toute votre attention au son. Soyez pleinement présent au son qui naît, se déploie, puis rejoint l'infini silence. Suivez le son de sa naissance jusqu'à sa mort apparente, afin de plonger avec lui au cœur du silence intérieur. Maintenant, restez dans cet état de détente et de bien-être autant qu'il vous plaira.